et elle laissa les deux artistes confondus qui firent avec la critique un concert de louanges en son honneur. « On n'est pas plus délicieuse !» s'écria Stidmann. « Oh, c'est, dit Claude Vignon, la femme la plus intelligente et la plus désirable que j'ai vue. Réunir l'esprit et la beauté, c'est si rare. Si vous, qui avez eu l'honneur de connaître intimement Camille Maupin, vous lancez de pareils arrêts, répondit Stidmann, que devons-nous penser? Si vous voulez faire de Dalila, mon cher comte, un portrait de Valérie, dit Crevel, qui venait de quitter le jeu pour un moment et qui avait tout entendu, je vous paye un exemplaire de ce groupe 1000 écus. Oh oui, sapristi, 1000 écus, je me fends. Je me fends? Qu'est-ce que cela veut dire? Demanda Beauvisage à Claude Vignon. Il faudrait que madame daignât poser, dit Steinbock en montrant Valérie à Crevel. Demandez-lui.